Oui, bonjour, bonsoir, bonne nuit, mes chers amis. Voilà. Je pense que vous allez bien, Nakatia confinement. Victorine Levo, merci beaucoup, cher ami, merci. Voilà, nous revoici encore aujourd'hui pour quelques minutes. On va le respecter aujourd'hui, hein. Ça ne nous prendra pas plus d'une heure, non. Moins d'idées, je pense. Et Botagena ce bozaïna ba mi ya ba milouvor Botagé bango baya tout sur Bemba kofinga biso problème ezate to sito mesain déjà na kofinga. Nous sommes habitués na ba bilokwana donc ezo déranger biso société parce que to yebi keza culture. Moi to boyango ezate parce que comme boyebi mboka na biso ezam nene ba culture peza ebele. Alors il faut qu'on dise ba culture mususu. Parce que surtout l'ongoli bah insanité na culture mususu moyen exacté donc identité nyonso ekobonga voilà na mukuse tokolobela bolingo ya ba congolais na ba leader politique na bango, ba leader politique ou bien ba leader religieux na bango. Bolingo oyo biso ba Congolais to pesaka na ba leader politique na biso ou bien bolingo oyo biso ba Congolais to pesaka na ba leader religieux na biso, ba leader religieux linko ba pasteur, ba sango, ba évêque, ba archbishop, donc catégorie wana nyonso. To lobela mwa mke bolingo oyo to pesaka bango. Et deuxièmement, Tokolobela, likambo ya passeport, juste na quelques mots, passeport congolais. Troisièmement, juste ya souka, Tokolobela, makambo ya rectifier ce que nous avions dit auparavant sur le salaire de Félix Tshisekedi, Naya Kabila. Et voilà, Tokosukisawana. Alors, toujours, peut-être chaque cas, et vous allez un peu déséquilibrer, mais hein, je me propose qu'on soit peut-être 10 minutes par cas. Et puis toi aussi, ça va. Là. Après ça, je pense que dans 1h30 minutes, nous allons à cours. Et cours, on a les allées dans Gambo et Amérique. Comme vous voyez, les cours sont en ligne toujours. Voilà. Donc, dans Gambo, on a besoin de 17h. Et voilà. Moi, on a les actes, hein, COVID et le Kélipisomakam, parce que vous voyez qu'on a la tête. Côté Moussou Nangam, Moussou côté Yozali, Bozali Boutou, vers 2h, 3h. On a la RN, moi, on a les actes. Voilà donc. Togolemba, Kolobela Makamambo, on a bisoté, Tozoya toujours, pour Tolobelango. Premier point, Dengenalobaki. Bolingo, notre amour, l'amour des Congolais envers vis-à-vis de son pasteur ou de son leader politique. N'ayez-vous remarqué que Bolingo vraiment autosopé sa leader politique Nabiso Ezali à outrance, Ezali exagéré, Ezasus Bolingoté est commis aliénation. Nalobi boye ponanini. Motuna mutazani a droit ya kozala na parti politique. Moto na moto azali na droit ya kosepela na leader politique. Moto na moto azali na droit ya kozanga parti politique ou bien ya kozanga moto leader na ye azati. Ye moko azali leader lokola ngai. Ngamo on azali leader na ngamoko. Je n'ai pas un leader politique. Parce que ndenge na yebeli na ba leader politique na mboka na biso be scro bazali. Ba leader politique na ba leader religieux la plupart na bi bien la plupart je pèse mes mots la plupart bazali be scro. Alors il faut voyez ba d'abord que parti politique ezali ba fait privé ya bato. Moto alali alamuki ayebi koloba mwa phrase moko ya français. Ayebi kosangisa mwa bato mibale misato akomi leader. Tellement congolais alandaka pe moto nyonso. Lobi na tongo omona bato bakomi 10, 20, 30, 100, 1000, 10 000. Alors, ezali fe moko privé, moto wana koyi ko escroquer bino. Na yebite na ba statut na bango soki ezali na esika oyo bokoki kolandela soki ba escroquer bino bolandela je ne pense pas ndenge to bungisa mbongo ya imperium congolais nyonso ya diaspora même akati ya Congo nous avons cotisé l'argent pour na imperium démarche moko esalamate pour na imperium yango mais mbongo pe elimwa to yebite mbongo kenda wapi. Okoyiko tuna te. Alors, naba leader politique na biso, de même hein, na démarche wana ya ko sala mouvement ya ba parti politique, ezali pe ndenge moko na ba église. Motalale ala moki, je na ebite soki na bato batanga psychologie, na ba batanga philosophie, ba ebite soki ba yeba ke er moko ba cauchemar ezalaka er moko, ce que nous vivons. Et quand il cause la transformer en dingue mususu mais il y a une forme ya ndoto. Alors et pas na biso ndoto nyoso ka so monika mutu moko alati elamba ya pembe na ndoto ah wane zali nzambe mutu ayeko lobelangai ah wane zali yeso mutu ayeko lobelangai lobi na tongo mama na bana yaka kende na Pascal luka mwanda mwa bizaka zakata misatu luka mwa mbonda ali mwa kwen ya ndo ya lupango e banana na bandako na bandako ya batu mkolo ndako azati bango na moyi bake kuna prière et lobi lobi bato baye kotonda bato lupango wana ba bakisa mimi bale misatu 10 20 ah non bato komi moyi ebele toluka moyi sika mwa kwa mama mo boye papa ne mobali akufa atikela lupango mama pesa biso mwa coin ya kota sa nzete kuna to sa l'église ko boye te parce que so boye oza satana soki o boye ozali satana c'est ça notre mentalité na Congo. Alors, ma pasteur, ma leader politique, bazali juste ndenge moko comme na outer bazali bescro. Mais cela n'empêche pas mutu na mutu alanda mutu oyalingi. Mais la question que nous nous posons, est-ce que kolanda bolingo oyo biso ba congolais to pesaka na ba leader politique, na ba leader religieux, ezali bolingo vraiment réfléchi ou bien ezali buzoba? Ezali buzoba et je dirais même peut-être ezali Satan muta utiliser kabango. Ah oui, parce que d'habitude que ba pasteur ebele ndenge bazola nangawana bazolo ba atala ndeko yo ndenge zo linga ko bebisa mouvement na biso. Ah ndeko yo fo ezala azana molimo ya Satan. Voyez, donc bazwa kabino na façon wana. Ozali na molimo ya Satan ya mwana zolo belandengo wana. Pasteur a violé mamouani, nakati ya voiture, ba genou, ezika tomoni, kolobate. Soki o lobi ozali Satan. Alors, ba parti politique wana na ba leader ya ba église, se kwai na kote ba parti politique, bango ba yebi nyoso politique, ezana mutu na bango, y maîtrise la politique. Bas yo mutu mususu ozolanda ye ozana conseil ya kopesa ye te. Nyonso ye ayebi. C'est pour cela vous voyez ba bêtise ezo salema mingi na koyi ko citer un exemple ya kaka sikoyo voilà l'exemple de Félix. Félix papa kufi atikali ye mei mkolo parti yo pesa e conseil ni batone so batonda limité ba yebe lo remonté ya yebi ye a maîtrisa politique nyoso il peut prendre des décisions sans consulter mutu mususu voilà si ko ba bêtise ndenge zo mema mais na eko remarqué que la politique gouvernement parti politique objectif na bango ezali ko zwa pouvoir. Mais ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Il faut qu'on soit pouvoir avec pouvoir. Qu'on soit pouvoir de la forme. On a un pouvoir, mais na fond, on a un pouvoir. Et ça, c'est mon côté. Alors, biso batu mususu tozali na pouvoir, nous critiquons. L'action, il y a batu bazali na pouvoir. Biso batu zali ko formuler ba demande. À ba classe, c'est ça, malam, tu es. Botonga ba classe bopito eza malamu te botonga bopito eloko boyeza malamu te bosala eloko boyeza malamu te bosala voilà gestion eza malamu te muyibi ba retro commission boyina boyeza malamu te bobongisa wana ezali musala na biso bato tozali libanda ya pouvoir alors bato bazali na kati ya pouvoir bakoya sikoyo avec ba contre vérité na musala bakoloba non voilà bino bolobi boye non biso tozo sala d'abord bref na lobela kya mona vidéo eliki je ne vais pas me répéter mais na yeko remarqué que ngai personnellement dans cette démarche de critiquer parce que moi j'enseigne toujours mes étudiants en réalité ba parti d'opposition par rapport au gouvernement en place ezali pe parmi ba organe ya pouvoir ba tu ebele o ba suka na rompo ba o comprendre te na ebi na limité déjà ba ni ko tala na ba parti d'opposition contribue na baction ya gouvernement alors so suka na rompo mwa ngomba na tellement na lizi ba wana etonda kana o moya ko lekezate yo kama la gouvernement na tango bazali o sala musala er moko ba erreur na bango ba faute na bango ba o remarquer yango te mais opposition ou ezali banda ya gouvernement azo mona c'est comme match ya football match nyonso ba joueur na kati na tango bazo beta c'est rare ba yeba ba erreur na bango entraîneur na staff na ye na ba supporter bazo na stade bazo remarquer ba erreur ya ba joueur c'est sur base de ces erreurs que entraîneur a changé ka ba joueur a joueur na tomoni net a lembi longola ye chamsus jouer to moni jouer na yezo simba te na équipe ya équipe adverse il faut que changer ye position be ko longola ye ko cha joueur mususu donc biso ba tozana le banda ya pouvoir tozali lokola ba entraîneur tozo tala ba to bazo beta match na nazo commettre erreur ba changer je ba jezo kenenenge nini c'est pour cela na lobby que opposition ezali pe parmi ba collaborateur entre guillemets ya gouvernement ba mboka o ezali sérieux ba tu o bazali sérieux o bazali na pouvoir à tout moment et lo kwa liboso il faut tala ba journaux o ezali ko critiquer il faut tala réseaux sociaux ba tu bazo critiquer et ko tinda ye a changer direction na ye des affaires a mouyi besoin la présidence ba yibi président Pierre Azali moko na biso na réseaux sociaux ye azanga raté na tango zo mona ndengwana bato bazo moyibi moyibi mais tala gauche droite moyibi na zo mona koto bazo loba e uti wapi a kamere mbongo ya 100 jours amboli yango a no rétro commission moko 15 millions uta iki kote kuna eza na kati ya bureau kuna yo na tango moni ndengwana action pour que mbongo wana ezonga na trésor public Mbongo wana ekende na misala ya leta. Ngai personnellement depuis que na komi MP actif na makambo etali Congo, je remarque que Congolais azali très naïf. Congolais azali flatter, Congolais azali hypocrite. Naïf, flatter, hypocrite na sens nini. Ngai, je regarde ce que Félix fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Nayebi déjà prototype ya mutu ya lobby. Félix a changé te, Félix a kobongisa mboka na biso te, Félix a ye wana pona poche na ye, na famille na ye. Chance loko pamba, rapide ma bo récupéré, to yebi lobby te. Ba critique na sala ke pa Félix, je ne le fais pas. Sans conviction. Na sala critique et pas Félix sur base ya biloko na zomo na baction na ye sur le terrain. Et ba critique nanga, ezali ba critique régionaliste te. Ezali ba critique tribaliste te. Na kati ya ba critique nanga soki tribal ba fait tribal et koti na kati ezali parce que ezali na groupe moko. Critiquer un président de la République, ce n'est pas une affaire de tribu. Bango, ceux qui ont critiqué la gestion du président de la République, ils ont lié tribu na kati. Président a les 15 millions à rétro-commission. Tolobi, na kati on a les kamba tribu et outiwapi. Et sa gestion y a affaire publique. Bango, bazo kote sa tribu. Ou indexé biso, vous allez ba tribaliste, vous allez ba jaloux, vous allez ba aîné, vous allez ba jaloux, boye boye. Voilà pourquoi na bango pe lokola bokoti, vous ne comprenez pas ebele, ba souka na rond-point, il faut que tcha bango na nzela, que cette histoire ici, tozo lobe ba critique oyo, ça ne concerne pas ba tribi na bino. To yebi ke président aza mouda tribi na bino. Mais critique na biso, ils allez par rapport, action na ye public. Nous avons ces droits-là. Mais pourquoi vous liez critique Nabiso na tribu Nabino? Alors, le collaboratif s'est séparé. Tchébino na bloc moko. C'est comme ça. Moi, je critique tout le monde. Je vais remarquer ce qui. Ma leader, je vais citer par exemple Félix de Ludepès. Nakotanga, par exemple, Moïse Katumbi. Nakotanga, par exemple, Bemba ya MLC. Nakotanga, Mozito. Nakotanga Fayulu, nakotanga ba mususu wana na bosani bazali ebele. Soki nazali très actif na Félix, c'est parce que Félix azali na pouvoir. Ye mutu azali na pouvoir. C'est lui qui me représente. Ye mutu azali représente ngai. Mbongo ya Congo, ezali mbongo na yo ya ngai. Mutu azali batela mbongo na ngai na yo, ezali Félix. Mabele ya Congo ezali mabele ya ngai na yo. Mutazo batela ngwe ezali Félix. Ba bien nyo seza na Congo ezali ya ngai na yo. Mutazo batela ngwe ezali Félix. Alors, sentinelle oyo ba tcheli biso wana. Soki azo sala musala na ye malamu te. Na ko sala nini? Na ko kritike na ko loba. Sentinelle oyo akoki musalo te. Azo lala na butu. Azo veye te. Batu bazo yiba biloko. Biloko ezo bunga na ndako. Toza na sentinelle, tozo futa sentinelle mbongo. Mais biloko ezo bunga. Alors, sentinelle tozo futa ye mbongo fele, il faut ko longola ye, ko luka sentinelle yo, soki ameli kafe, banda, era yaki, soki 18 et 19, ti lobi na tongo, mou yibia pousa na te. Mais boche sentinelle moko, bo la mokaboye, biloko ezo bunga. Bo la mokaboye, eloko ezate. Bo la mokaboye, ndako bache ba pentir, ba komi komi na ba mir. Mais sentinelle à salam salanine. Mais chaque mois, sentinelle, il faut qu'on foute à yé. C'est pareil avec un président de la République. Azali sentinelle, Nabiso. Ce qui a zo salam salam à la montée, il faut qu'on longola yé. Mbongo a zo zoyanini. Alors, na yé qu'on remarque que Congolais, n'y a pas de baki na ibandeli, que Congolais azali hypocrite, et puis azali naïf, flatter. Ce qui a critiqué Félix, on remarque que bato ya Jean-Pierre Bemba bazo betro maboko a prof lo bibia bato yo a muyibi a baluba oyo a bato yo baza mabe baza muyibi ba yeli nde ba poche na bango libumu d'abord bato katumbi ndenge moko a bato yo libumu d'abord ba yeli boye bato fayulo ndenge moko bato mozito ndenge moko bazo kumisa yo makambo ide pesa bandai ko yebisa biso avant ba pesa bango pouvoir. Et Zalaki qui est bango soki bakoti na pouvoir, baroya pona changement. To remarquer que baye na pouvoir, baye ko changer te. Bayende na continuité, moyibi ezo continue, escroquerie ezo continue, détournement ezo continue, ba assassinat ezo continue, ba attaque ezo continue, ba emprisonnement ezo continue. Mais pendant 37 ans, bayebi si biso ke, biso soika bo meki ko pesa biso pouvoir, changement. Ye moko président na bango a lobby, ke ngayi mokolo ali boso na zozo a pouvoir, le premier jour na zozo a pouvoir, ba kachon yon so yaner e kangami. Ti lelo ndenge tozolo baboyenga ina ibino, kasho moko ya nere kangami ikeleve. Alors, soki yo kritike, oui, batoba, yaba lider mousous wana, bazo betelo maboko, sali bien papa, ezali ndengo wana, prof, continue. Toko lemba batote. Mais étonnant, soki kaka olobeli, par exemple, Fayulu, bato Fayulu ba yelio. Ah, prof, je suis vraiment déçu. Ndengeni no komiko no bela sou Fayulu, nazali vraiment déçu. Tu m'as déçu, prof, tu m'as... Me dit. Est-ce que Bango Baza, toko kritike Bango te? Parce que ce que l'une de personnes nous disait, yango pe Bango Baza, yabisa biso siko yo. Alors, ce qui n'a eu de peste au fond, ou la ki michoute, to zala ki ba naïf, to landik no kouta na bango. En tout cas, il y a bien un tour de l'exango sous souté. Parce que DPS a même mis sur la logique, on a le quota. 37 ans. T'as la base de pouvoir et l'eau, on y base ça. Alors, bien au pays, une opposition, même langage, même stratégie. DPS a 37 ans. Bien au pays, on a même langage, même stratégie. Alors, et l'eau, on y a zone à bisoté, qui est bien au pays, on a escroc, le coup, la bataille DPS. Il faut critiquer. O lobe la mozito, ah prof, o décevoir vraiment, na landaka yo mingi prof, na sepelaka na yo, mais en tout cas, o décevoir ngai. O komiko lobe na mozito. De, mozito azali nani, ba lobe la yete. E ko lobe la, na zo lobe la par exemple mozito, c'est pas seulement mozito, na batou mousous, ezali dans le vide, de. Mozito azali parmi ba criminel économique ya mboka na biso. Il a été premier ministre, il a été directeur de cabinet ya noko na ye Gizenga. Gizenga na a poids de l'âge, mutabane o contrôler makambo se zali Mozito. Est-ce qu'avant Gizenga comme premier ministre, Mozito kombona ezali ki mfumompa? Boye mfumompa ili ko robanini. Mokondia sika mfumompa na terme ba congolais ya a pesa tala te, a sopa tala te, mfumompa. Ava Gizenga era zaki na rishi, nana yeba ki Mozito. Nana yeba ki Mozito aza mfumumpa. Alors, makambo o tozali ko kritike na Félix, tozolo bela batu ya Félix. Ah non, baluba balingite balo bela Félix. Ah non, baluba balingi boete. Ah, baluba baza boye. Me bino pe bozo ya kakandengo na suki balobeli kaka Mozito, balobeli Fayulu, vous venez nous attaquer, pourquoi ozolo bela Fayulu, pourquoi ozolo bela Mozito? Alors, maintenant, cessez de vous attaquer na bande konabi so mousso Baluba. Parce que Baluba bazo lingate, bo critique Félix. Bino pe bozo lingate, ba critique Mozito, ba critique Fayulu. Mais boza batu moko. Boza li batu moko. Mais non. Ngana kombona batu bazali sérieux. Que ndenge to yibi ba politicien na biso bazali bato mutu nyonso azalaka na erreur soki erreur esalemi faute esalemi mais il faut kotika pe espace pour na critique na faute wana na erreur wana pour que leader wana mbalasima aya su na faute wana te soki na lobeli Katumbi soki na lobeli Mozito eza dans le vide te. Mozito a été premier ministre. Mozito muta pesi makasi parmi batu ba pesi makasi na Kabila. Bambongo nyoso salaire Mozito ezalaki combien? Bambongo nyoso a combien mfumumpa? Vous pensez que ezali ya salaire na ye? Ba critiquer yete? Parce que ye a lobby a ken opposition aligné sous kozonga po azo a pouvoir. A kozonga pouvoir avec makanisi ya sika ou bien kozonga pouvoir na makanisi o azalaki na ngona pouvoir ya moyibi. Et Congolais naïf tozali, tozali kolanda ba bêtise en dengwana. Mfumon pa. Katumbi de même. Katumbi a été gouverneur na Katanga. ba minere bande ko bima katumbi ya yebi yango mbongo katumbi ya zana nguwa kombela millionaire bo yebi ya uchi wapi mbongo nezali ya katumbi te mbongo nezali ya yo yangai alors ba lobela yeke non ozalaki gouverneur obi bato kombie katumbi ya mema po balinga kabila bato oyo bayebi katumbi na ndenge ya bal bayeba yeke azalaki gestionnaire ya malamu na ndenge ya bal parce que kozala gestionnaire na ballon elingi koloba te kozala gestionnaire malamu na pays boyebi bato boni oyo balingaki katumbi na ndenge ya bal bamonike katumbi azokomisa kabila bato wana mpe baye kolanda kabila na nzela ya katumbi e batikala kolanda kabila na nzela ya katumbi boyebi baza combien alors katumbi mpe akontribue na bacrime économike ya mboka na biso kolobela ye ezali mabe vraiment bino bakongole vraiment bolingi ke leader bazala zero faute balider na biso bazala zero erreur nzambe kaka faute ezalaka te balider na biso banzambe faute ezalaka te bayiba te baboma te bakosa te pembe na pembe alors soki bolingi balobela balider na bino te bolobela mpe balider mosusu te botika biso bato ozana balider te tolobela balider na bino nyonso bino botika kolobela bato par exemple ya félix botika kolobela bango parce que ezali illogique bozali koapplaudir parce que tozokritike félix na bato na ye mais vous n'admettez pas bakritike balider na bino parce que ce que félix fait balider na bino mpe bazosala yango la plupart des leaders bazala na pouvoir ni les lobbies qui va changer parce que na tango bazala ki na pouvoir gestion na bango ezali kaka ndenge ya Félix alors ni nezo la kisabino molimo santo ni ne côté li bango que non ba changer ce qui bazongi sou na pouvoir ba même gestion o bazala ki nango liboso te bemba été vice président de la république na gestion ya 1 plus 4 Congo na biso ezalaki malamu. Je suis ezalaki malamu. Na R wana 1 plus 4, Congo ezalaki bien, bato bandeki kolia bien pauvreté. Silaki, misale ezalaki, mabe ezalaki te, bato bandeki kokufa te, bato babelaki te, bopito ezalaki, bekole ezalaki, bana miliki chaque jour, alors que banda bemba longwa vice-président, biloko wana nyonso, bakongole bandeki kozwa, kolia, banzela, bopito, bekole, kabilati kaliko boma yango. Bandeko, il faut qu'on malade. Il faut qu'on malade. Ba leader wana bazali bato. Comme vous permettez que ba critiquer ba leader au bazali na pouvoir. Je fais allusion à Félix. Ceux qui bozo beta maboko na bato bazo critiquer ye. Bo beta pe maboko ba critiquer pe ba leader na bino. Il ne faut pas venir nous attaquer pour nous dire, non, écoutez, prof, vraiment, on décevoir. On a décevoir. Et les Congolais viennent toujours. Je regrette cette façon de voir les choses des Congolais. Au monde, ceux qui ne connaissent pas sa demande, il faut aider. La première des phrases, prof, on a la landakayo. La vidéo, on a la nuance, on a la landakango. Prof ngai pe nazali na likambo oyo il faut saler sangai ndeko vraiment ko landa o landa ngai ezalaka des changes que nga pe il faut na saler sangai na likambo yo za nango même naza incapable ko saler sangai il faut na sala kaka tout na saler sangai parce que yo landa ngai o façon ni na concevoir makambo ba leader na biso bazali banzambe te Voilà, na ba pasteur na biso. Moi, je mets ma tête à couper. Je peux dire que na Congo na biso sur 100%, en tout cas 97% ya ba pasteur bazali beskro, baza ba pasteur ya solote. Pasteur a zo violé. Bandimi ba moni pasteur a violé. mundimi na kati église ya mwasi pasteur azotungisa ye mikolo nyonso abima na ye kaka mundimi wana soki abimi libanda na cité bato bazokritike pasteur wana mundimi wana moto azotelemela bato wana ne touchez pas mes wins lokuta ba menteur d'abord avant que le ban ne touchez pas mes wins pasteur il faut azala d'abord wins pasteur il faut azala wins mais ye pasteur aza wins te il faut pas toucher ye parce que du fait vous voyez que le pasteur d'abord azo drague yo azana mwasi mais azo drague yo est-ce que mouton azali wins est-ce que mouton azali wins ne touchez pas mes wins, ne jugez point l'okuta, il faut tout juger. Oui, l'obamina c'est, il y a un peu comme malikolo. De pasteur qui se réveille comme ça, un matin, a commis pasteur, a yebi ko yemba, a yebi ko loba, mingongo ba kaosa, ka soki ba tchaka ba jina, ba tchaka ba nina mingongo, e kauka. Alors, makasi na ye kaka na koloba na langa shabara bara katara bara bara bara bara. Ako kene na video ya mboka soki na Malaysia soki kote nini ayoki ki Malaysia ndenge zalaka ye na Kongo akomisha ngwa langa. Ba Kongole ba koma Malaysia te. Ba yebi munoko na bangote. Soki alobika biloko wana ba koye ba te ba komona kaka ke o ezali a langa. Pasteur azala na difficulté. Bitunga ezo tambula. Kitunga ya rouge. Voyage ya pasteur. Kitunga ya bleu. Kolia ya pasteur nandako kitunga ya jaune mama pasteur fois kende Dubai kitunga ya noir mwana ya pasteur wa liboso il faut démarche alingo kende France bitunga ba couleur zo changer na église bandeko bazotika bana na bandako na bango nzala mbongo akende kopesa dim akende kopesa mabonze pa ya pasteur. Pasteur a koloba jamais kitunga moko kotambola likolo te. Bosambela ponanga, nazana problème ya ndako. Bosambela ponanga, nazana problème ya voyage. Bosambela ponanga, nazana ndako bilo ya kolia ezate. Non. Kitunga ya rouge bilo ya kolia, kitunga ya jaune ya mama pasteur ke de Dubai, kitunga ya bleu ya pasteur voyage na ye, kitunga ya boye mwana pasteur azobala, noko ya pasteur akufi, kitunga ya boye ya couleur boye. Mundi miso akufi, bitunga couleur elimu in église ndeko yakatubondela ozana kondima zalana kondima nzamba kusala chali boko kitsamba mabolongo na se beta mabolongo na se ndeko na kombo na nzamba ndeko telema esili solution zwami ozongi na ndako ndengo yaki kitunge ko matate ba pasera bo ebalo bela bangote balobeli bango okomi satana mais dayebite mboka na biso ezandenge nini voilà merci wana ezali po to expliquer entre biso ke façon na biso de concevoir ba leader na biso ezali mabe ezali mabe même bato bavandi na diaspora oyo bazomona place bake na ba diaspora na bamboko bakei par exemple ba la diaspora européenne américaine asiatique bazomona façon bato bakolo mboka bazo vivre na ba pasteur na bango bitunga tambula kate ya ba couleur tambula kate mais ba bande ko na biso oyo koyoka na sali na France 30 ans mais il est toujours aliéné kuna na mboka mwana ya mukuna il faut atinda dim na mukuna. Il faut atteindre dim na Denis Lesi. Il faut atteindre dim na Sikatenda. Il faut atteindre dim na Boy. Mais l'église en est sobokei. Na sima l'église va dans ton bandak moka mike. Bitunga ba couleur nyon swezali. Bitunga na ba couleur wana ezapo na bandimite. Ndeko abela. Bitunga na ezapo na yeda. Bitunga na ezali po na pasteur. Oyo ya dim. Oyo ya mabonza. Oyo ya voyage. Oyo ya kolia. Oyo ya kamnyo ya pasteur za malamu te kufi fwa changer pasteur. Nzambe na biso za nzambe ya pauvreté. Biloko nyo seza ya nzambe. Boni pasteur na biso kotambula kama koloboye. Ale kitungo ya jaune. Ya voiture ya pasteur. Ifuto sombe le voiture ya sika. Boni te kuna sika tena sombi voiture ya sika. Boni biso koto voiture ya kalaboye. Ba malade. En fin de compte, bambongo wana nyonso, église sombi lupango. lopango na kombo ya église te, lopango na kombo ya pasteur. Yango na bozo na différence na l'église, par exemple l'église kimbangiste, l'église catholique, l'église protestante. Na côté kuna bato wana il faut to longola bango moi coup de chapeau parce que ce que l'église kimbangiste va sombi lopango. Lopango wana ezali na kombo ya mwana ya Simon Kimbangu te. Lopango wana ezali ya Diangenda te. Lopango wana ezali ya église kimbangiste. Diangenda so akufi, mwana Diangenda so akufi, lopango wana ekotikala na église kimbangiste. Ezali ya église kimbangiste. Catholique ndenge moko, ba protestant ndenge moko. Ba musulman ndenge moko. Mais oyo nyonso ba nzambi ba la plupart bango ba telisaka ba genou, ba telisaka ba nzoto kaka ba genou ezotikala. Denilis mokona. Batwana nyonso ba mapango ba sombi, bitunga etambola batu ba nyokwa mi o kontribye po ba soma lopango. Lopango wana na kombo ya nani? Lopango wana na kombo ya pasteur. Lelo pasteur so akufi, nani akende ko reklame ke lopango eza eglise? Eza fe privé? Eza li privé? Be escroqué bino c'est tout. Boza ba naif, wa ba yuma, ba ngoto bobo. Bazo escroqué bino. Voilà. Tous les cas, deuxième point, dans les 10 minutes, dans le premier point, bon, vous comprenez. Deuxième point, Ezali, salaire ya Kabila. Comme Toyebi, na 2018, ba flatter na parlement na bino, pour ba flatter Kabila, tika pouvoir, il faut ba flatter na mbongo, ba pesa ye mbongo ebele. Décret Moko Ebima, numéro 18-0. Bar 037, il y a le 24 novembre 2018. De Kréwana, batia ba salaire, il y a ba ex-président Kabila, 680 000 dollars américains. Chaque mois, ils ont gagné de cash. Deal, il y a Félix na Kabila, na katikuna makambambongo pe zalaka. Félix, Kabila, il faut avoir la sécurité. On va poursuivre l'été. On va diriger ensemble. Alors, Félix, Zombongo Ndenge Olingi. Yango Bozomona, un centime et kotate na kesa l'état, bato Félix, bazo vida mona seconde. Yiba noki leka. Aziba ndekone nyo. So ya vila klamo bimba. Au moins oba komi déjà na age ya kusala musala. Klamo bimba. Amemi ba mona présidence. Ba salaire na bango. Ba 24 000 dollars par mois. 17 000 dollars par mois. Ba toi 6 000 dollars ba oba kombola kombola. Kana ba 6 000 dollars ba zali. 7 000 dollars ba zali. Ko kombola. Ye moko Félix na Kabila, toye komona magazine Zoom Echo. Nga muna lobite, bo finga ngate. E dabo bozana droa ko finga ngate, paske mbongo neza pe mbongo nanga. Zoom Echo alobi, salaire ya Kabila, ya Félix, ezali 30% plus ya salaire ya Félix. Kabila soki azali kozwa 680 000 dollars par mois. Donc chaque après 30 jours, Kabila na kesi na ye, na konti na ye, azali na 680 000 dollars. Donc salaire à Félix, ezali 2 millions, à peu près 2 millions 400. 1000 dollars américains. Une erreur de conception. Tout ça, qui est salaire, il y a Félix Zala qui 660, 80 000 dollars. Non, il y a Kabila 680, il y a Félix 660, et combien? C'était une erreur. Voilà, magazine avec des preuves. Ayez qu'on peut s'appeler ordonnance, décret, numéro 18, bar 037. il y a 24 novembre. Salaire, il y a Félix Ezali 30 fois plus salaire, il y a Kabila. Mboka o Ezali parmi les pays les plus pauvres, il y a planète Nabiso, Nzambasala. Mboka oyo bandeko na biso ya bana baban ezate bakisi ezate bopito ezate Félix azo kosa bato nazo tambola na keluka ba investisseur nazo tambola na luka mbongo na defa mbongo corona ebi maboye omes pesa mbongo mbongo ya boye bangoli yango vraiment un président pe se taper un salaire ya plus ya 2 tolo ba 2 500 000 dollars chaque mois. Il y a des ceux qui vont me dire que non, décret wana yé mouta sali yango, te parlement mouta sali yango. Mais Félix Azali, moi, na froui ya mouta outi na lutte, oyo ba lobi ya le peuple d'abord, pendant 37 ans, ya ko changer salaire à mouboutou mouta yé baki yango te, ba ministre ba bade yo konte na salaire te, kabila yé, moyen exacte, bango ba lite pendant 37 ans, que soit yé na pouvoir, to linga makambouana te. Mwana, ya, a radical bato ba lité pour na biloko wana pendant 37 ans soki oyé oyé okuta salaire na yo ba cheli yo 2 500 par exemple 1000 dollars par mois yo muto outi na souffrance ya peuple oyé pour salisa peuple yo koloba nini okoboya salaire wana okosala ndenge nini okosa salaire na kozongisa na trésor public. Fayulu a été député. Aye ko remarqué que emploi du temps na ye en réalité salaire bazo pesa ya en tant que député azo mérité en mote parce que azo sala musalaté ya parlementaire. Qu'est-ce que Fayulu avait fait? Asangisi bambongo na bango nyoso ba futa ye azongisi. Est-ce que trésor public e boya ki mbongo na Fayulu que non le roi to futi déjà ko zongisi tate ezali yo bazo ango ba mbongo ezonga na trésor public et to yebi ke zonga te mais place azongisa ki balia yango. Vraiment, un citoyen qui a eu 37 ans de lutte de changer la gestion de Yambo Cannabiso, qui a eu un salaire de 2 500 000 dollars par mois. Quel moutema mabe, quel kindoki. Entre autres, équipe Nabiso Semene, l'équipe à basketball ya Congo, qui a eu na Rwanda. Pour la COVID, yo, batu nyonso avant que na mboka boye, bazo exige, osa la test ya COVID, pour kota na mboka na bango. Bake ina Rwanda, ekipa Congo, basala ki test ya COVID te. Bon, bo futa mbongo kasi, basala bino test ya COVID, mbongo ezate. Na ebite ekipa basket, bazala combien? Je pense que ndenge bake ndenge ba leki même 30 personnes te. Équipe à Congo, équipe nationale, il y a basketball. Mbongo a posé cet examen, il y a COVID exacté. Mais, au finish, il y a un examen à COVID. Nani a foutu Mbongo examen. Gouvernement, il y a Rwanda, a foutu Liba, joueur, il y a Congo. Mbongo a posé l'examen, test, il y a COVID. Gouvernement, il y a Rwanda. Donc, bato bazali ba pauvre, mbongo kosala examen à COVID ezate. Alors, gouvernement Rwanda bimisi mbongo na kesi na ye, a fouti pour na équipe à basketball ya Congo basala examen test ya COVID. Mais na kati ya mboka oyo tozo yoka, ba directeur de cabinet bazo yiba ba 57 millions de dollars, ba président bazo yiba ba 15 millions de dollars rétro commission, président salaire 2 500 400 000 dollars. L'ancien président salaire 680 000 dollars. Équipe ya basketball, mbongo ko sali test ya COVID ezate. Bande ko même yo mutozo landangaye. Bato aboye bazo mérite respect vraiment. Il faut respecter. Président ya boye, il faut respecter ye. Azo mérite respect. Même bana na ye na ndako, er bazo yo kama kambwana. Bazali vraiment fier ya papa na bango. Ah non, yo le bien Félix, Félix quand même, Azana Banda. Est-ce que Banda Bayebi, que papa na bango, a respecté le peuple na bisoté? bana na bango bana na ye bayebi ke moto oyo azo ndima azwa 2 millions 400 500 000 dollars ya salaire par mois bana na bazali conscient vraiment que salaire papa na biso azo mérité musala nini Félix azo sala pour un salaire wana bat économie balobaka salaire égal travail. Bah capitaliste, salaire égal travail. Je pense que, bon, moi, il y a forme, il y a état, il y a un autre état, il y a forme, il y a capitaliste, il y a une forme, il y a un pays qui est moins, il y a forme, il y a un pays qui est. Tout ce qui est une approche du capitalisme, travail égal salaire. Salaire égal travail. Moussala Nini Félix Azo Sala, vraiment. Ba président oyo chaque jour azali likamba mboka babomi moto kuna ye azali mais nakati ya mboka na bazo critiquer tolo ba président par exemple Macron est toujours là ba beti français mbata Macron azali ba sali boy Macron azali ba critiquer France Macron azali mais na France Macron bazo critiquer et pas na biso na Congo musala nini Félix azo sala na France kuna Macron salaire na ye 15 000 dollars. C'est-à-dire que conseiller spécial à Félix Aleki Macron a salaire. Ba conseiller principal à Félix Aleki Macron a valeur na salaire. Misalin bazo sala. Vraiment ko loba we ezali mabe. Toki kakaka. Moninga na ye 2 millions. Pardon, 680 000 dollars, il y a 2 400 500 000 dollars, et wana ezali kaka salaire. Alors, ce que vous avez avantage, Moussousou, ba frais de mission, ba perdième de mission, ba risque de mission, combien? Donc, bateau nyon so bazo souffrir na Congo ko futa ba taxe, donc bazo toka, bazo souffrir. Pour juste qu'on nourrit les boumouya Félix na bande konaye, les boumouya Kabila na bande konaye. Franchement, ba Congolais bozali ba bête ou bien dégénin. Franchement. Mboka ni ko tolérer makambo ya boye. Quel pays? Tolikina ministère des affaires étrangères. Natuna toujours na ebité maman oyo ya affaires étrangères Félix akenebo lokota yo ape. Na ebika lata tamwa sinaye. Mais na ebité maman oyo mboka nini azalaka abanaye koteka makala côté nini. Je ne dis pas que ba maman bateka makala bazama be. Mais comme vous le savez, mutu na mutu azana domaine na ye. Maman oyo fallait kotika ye ndenga banaye koteka makala na ye avant d'akuna. Félix a dit qu'on bombardait ministre des Affaires étrangères. Maman Oyo yé moko ayé na communiqué de presse. Ministère Nyon sou ezalaka na ba conseiller, ezalaka na ba directeur de communication, bazalaka. Ministre yé moko ayé ko tanga communiqué de presse. Passeport ezali droit. Ya citoyen ya pays nyonso c'est un droit soko kei ba pesi o passeport yo zana droit ko funda pays combien bande kona biso ba kangami na libanda les étudiants ba commerçants passeport exact ba lobi na biso passeport ko bima semaine otozali oto bandi tomona koko wana mama ya makala ye ko bima alobi passeport ike levé. Passeport exact pourquoi? Mésentente entre ministère affaires étrangères na ministère ya finance. Na pays moko un gouvernement. Ils ont promis ba passeport e ko bima mkolo boye. Boya okotsa ba formulaire na bino po bozo ba passeport. Ba exagéré kutu ba lobi no passeport ndenge za wana 3 jours ozu yango. Yoka lokuta 3 jours ozu passeport. Balobit passeport 99 dollars. Frais ministère et affaires étrangères, ce qui 15 dollars. Frais, ce qui est banner, ce qui est nini, ce qui est 20 dollars. Bango balobaki qui passe pour Yakabila, et bien, il y a 200 dollars. Pose, voyango. Bon, moi, je suis Congolais, basakanakana bino. Passeport Yakabila, 200 dollars pour Zoyango. Passeport ya Félix, ba yebisi bino ke, et kiti, Félix a kiti si béton, a kiti passeport na 99 dollars. Mais, ba longoli ba frey yaner, ba longoli ba frey moussous, ba tche pemeni pemeni. So ki o sangisi ba frey wana nyonso, ça dépasse 200 dollars. Nani a zo kosa nani? Vraiment. Ça dépasse 200 dollars. Alors, na yebite ou balobaka Congolais azalaka yanke, na yebakate ki yanke Congolais azalaka, ezalaki yanke ndengini, ya ki ndo ki Congolais azalaka yanke, ou bien ki yandengini. Oui, je sais, ba Congolais ebele ki yanke na bango, na basi, azwaka basi ebele, aza yanke, ala taka bien, aza yanke, ba soulier ya Weston, ba pantalon, soki ba benga nini, c'est quoi, on appelle ça comme ba Versace, soki ba nini, voilà yanke Congolais. Menzoka ndi na Congo kuna ba yuma moko boya kenda kutu meme école secondaire te bazo sakana na bino me na munoko biso ba Congolais timba te Congolais zali ngoto bobo moko na ndingo sakana te yuma bato bazo sakana na bino e na bango moko ba victime. Moi, je n'ai pas besoin d'un passeport congolais. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai un passeport bleu. J'ai un passeport bleu. Ah, moi, je suis là. Mais, j'ai évité. Ministre à lobby, passeport, il quel est tort. Boza nangote, bata ba voyage nyoso, bozela. Voilà, donc, ce que nalingai koloba, nalobaki tout ça, peut-être 40 minutes, tout ça déjà 50 minutes, faut qu'on respecte tous les cas inertés, quand même, il me reste 7 minutes. Voilà, ce que nalingai koloba, nako résumé, yango que, bolingo na biso to pesa, et pa ya ba pasteur, na ba leader politique, et za bolingo moka ma be, ya ke ndoki. Bato bazo linga pasteur na leader na ye koleka ye moko. Na lobeli ba Kongole, oyo lelo, soki ozo lobeli ya Félix, na bato ya Félix bazo betelo maboko. Banani wana nazo loba, par exemple, bato ya Fayulu, bato ya Mozito, bato ya Bemba, bato ya Katumbi, ba leader mosusu wana. Soki ozo lobeli ya Félix na bato na ye, ba betelo maboko. Prof, ozo sala malamu, continue boye papa, ah, mboka ye bonga ka bato boye. Vraiment, soki bozo la kata mil, na mboka na biso, eko bonga, soki bozo la boye, ba sepeli, parce que lobeli Félix. Mais kaka mabe oyo Félix ayo sala lokuta, stratégie ya mabe wana. Na tango bato mususu ba leader na bango bazo sala Katumbi azo sala Bemba azo sala Fayulu azo sala Mozito azo sala ba ye ko atake yo o decevoir ngai ozo lebela Fayulu mususu alobi ozo finga Felix ozo finga Mozito ozo finga Katumbi o juste tie koma oui bango nyonso ngai nazali epe ngai nazali epe ngambu na ngambo osali mabe nazo papa ngambu na ngambo osali mabe moi je ne suis pas Katum Mozito même si azali beau-frère nangai même si azali région moko ya bandundu nangai ngai équipe ngai te moi je vois le Congo je ne vois pas les bandundu moi je vois le Congo ezalozande konango sali mabe je te critique alors politique ya biso ya Congo e komaka ka ba critiquer ba leader mususu leader na yo azanzambe maboko pembe akosa kate ayibate abukate Azo kende malamu, maboko pembe. Naif tozali. Na lobeli yango, na yego lobeli likambo ya salaire ya Félix, plus de 2,400,000 dollars par mois. Par mois, bo yoka mouti ambe. Ngam na lobeli yango te, soki boko atake, boko finga, boke na magazine Zoom Echo, bango batu ba komi yango batie na ba preuve article ezali loi oyo ezopesa ke Félix salaire na ye ezala bongo ezali ngai te la loi babengi yango décret numéro 18/037 ya le 24 novembre 2018 yango wana bokende kofunda desk eko lokola boningi kokanga bokanga desk eko nga ava bokanga d'abord il faut koyeba koloba coréen oya okanga ngai avant ya okanga il faut koyeba koloba koye okanga totala na lobeli likambo ya passeport passeport ezate bakosaki bino ke semaine oyo bokozwa bapasseport bato nyonso bato ebele babongisi deja bambonga batike basalisa bareservation ya batike semaine oyo ebanda kaka boye bom mama oyo ateka makala batya ministre ya affaires étrangères aye kobima alobi passeport eza te eza te parce que moyen kosala yango eza te eza te mpo bango ye ministère ya affaires étrangères na ministère ya finance bayokani te gouvernement moko bayokani te alors gouvernement moko ya babandi mibale ya bescro mibale ya babatar politique mibale bazo privé ba congolais passeport parce que mutu ya finance azali mutu ya Kabila ye affaires étrangères azali mutu ya Félix bazo yo kanate et les congolais droit na banga kozana ba passeport ezali privé ba kopesa bango yango te ba partenaire bango mibale ba yo kanana no avant bino bozo passeport et congolais pa vandi lokola ba ntaba ba mère bazo zela mère tozo zela kaka bango ba yo kanana. Vous ne savez pas que le passeport est le droit nabino. Vous évitez que le passeport est le droit nabino. Na lobeli yango, ba rétro commission na lobeli yango ya Félix, à part salaire, azana makambo mususu ebele ebele. Donc c'est un type qui nage na ba 10 millions de dollars par mois. Ah oui, parce que ce qui peut aller forme ya mutu ndenge zo vimba, mais non. Mutu wana zo vimba vraiment na 1000 dollars ya pamba te. 1000 dollars pa mutu yo koma bongo te. Non, parce que ça pèse. Ça pèse. Mama pe soki botali ba photo na ye. Ah, mama za ki mwa mutu za ki mwa bol. Mais mutu e komi Denisa. Hein, Denisa. Voilà, on a parlé de ça. Na remercier Mingi parce que toza na cour kala Mingi te. Na remercier bino Mingi pona walanda biso, na remercier Mingi pona ko kabola, pona ko zala ona na biso toujours. Et to kuta na prochainement. Pour aujourd'hui, nous disons bye bye. Allez, au revoir.